sourire c'était ta souris, ton cœur était à terre. Attention t'es d'espoir mais rien tenté. T'as une noire tombée, tu cherches dans un monde plus tard. Mais c'était seulement combien tu manqueras au terme. Ce fort seront les proches lointains. Un sourire c'était ta souris, ton cœur était à terre. Attention t'es d'espoir mais rien tenté. T'as une noire tombée, tu cherches dans un monde plus tard. Mais c'était seulement combien tu manqueras au terme. Ce fort seront les proches lointains. Une apparition souriante au détour d'un couloir, rayon éphémère, bonjour enjoué et chacun repart à ses affaires. Il ne veut être inopportun, parfum de sobriété dans l'air. Non, je ne t'ai pas connu, à peine aperçu, et pourtant ton départ m'a frappé plus que je ne l'ai cru. En ce monde point de refuge suffisant pour apaiser ta sensibilité, un déluge de l'âme bien dissimulée, et tu t'es échappé, silencieuse, discrète comme ta douleur happée. La rieuse a fait retraite. Oh mon souvenir, je ne sais rien de toi. Et pourtant je veux t'écrire un hommage lancé vers au-delà. Un sourire c'était ta souris, ton cœur était à terre. Attention t'es d'espoir mais rien tenté. Dors une noix tombée, tu cherches dans un monde plus tard. Mais c'est-tu seulement combien tu manqueras au terme. Ce fort seront les proches lointains. Un sourire c'était ta souris, ton cœur était à terre. Attention t'es d'espoir mais rien tenté. Dors une noix tombée, tu cherches dans un monde plus tard. Mais c'est-tu seulement combien tu manqueras au terme. Ce fort seront les proches lointains. L'ours est le masque de la pudeur dans ton intimité. Son casque donne de désespoir son fond. Tu t'es abîmé et dans la voile acté une nouvelle étoile est née. Ignorant de tes raisons, j'en appelle aux anges pour t'escorter. Je crie priorité aux blessés de la vie qui n'ont pas trouvé à se soigner. On dit que les derniers sont les premiers alors que la joie t'élève vers des sommets. Et je prie pour que tu ne sois plus la proie de ces épées qui t'ont lacéré. L'âme de ma voix, je donne et réclame une immense flamme d'amour pour ta personne. Oh mon souvenir, je ne sais rien de toi. Et pourtant je veux t'écrire un hommage lancé vers au-delà. Un sourire c'était ta souris, ton cœur était à terre. Attention t'es d'espoir mais rien tenté. Dors une noix tombée, tu cherches dans un monde plus tard. Mais c'est-tu seulement combien tu manqueras au terme. Ce fort seront les proches lointains. Un sourire c'était ta souris, ton cœur était à terre. Attention t'es d'espoir mais rien tenté. Dors une noix tombée, tu cherches dans un monde plus tard. Mais c'est-tu seulement combien tu manqueras au terme. Ce fort seront les proches lointains. Face à ton départ si soudain, je ne sais que penser sur le tard. Je m'égare en des essais vains de compréhension, fin de donner un sens. Mais quoi que je pense, c'est une illusion. Alors passons, les sens se tombent en seul. Sont vraies les émotions de celles et ceux que tu laisses tes proches en mille questions se débattant. De tristesse accablée, moi éloignée, sans silhouette passante. Je leur souhaite de vite trouver en eux de quoi remonter la pente sans tout briller. Bien sûr, aide-les à cultiver ta mémoire assurée dans le marché endeuillé. Oh mon souvenir, je ne sais rien de toi. Et pourtant je veux t'écrire un hommage au sévère au-delà. Un sourire c'était ta souris, ton cœur était à terre. Attention t'es d'espoir mais rien tenté. Dors une noix tombée, tu cherches dans un monde plus tard. Mais c'est-tu seulement combien tu manqueras au terme. Ce fort seront les proches lointains.